J'ai déjà dit en passant que, avec certains verbes, pour plonger dans le passé, on part du plongeoir essere, être, et non pas avere, avoir. C'est la même chose en français. Et dans les deux langues, cette règle concerne les verbes de mouvement, aller et venir, par exemple. On ne dit pas j'ai allé, mais je suis allé, ce qui donne en italien. Sono andato. Sono andato, oui. Attendez un peu. Sono andata. Oui, vous avez raison. Il faut que le deuxième élément s'accorde avec être. Sono andato si c'est un homme. Sono andata si c'est une femme qui parle. Même chose avec je suis parti, qui donne sono partito. Sono partito. Si c'est un homme. Et si c'est une femme? Sono partita. Oui, sono partita. Et comment diriez-vous? Il est parti. È partito. È partito. Bien. Et ils sont partis? Sono partiti. Bien. Sono partiti. Et elles sont parties, se dirait? Sono partite. Sono partite. C'est ça. Alors, pour dire nous sommes partis, il nous faut d'abord nous sommes. Comment dit-on ça? Siamo. Siamo. Très bien, oui. Siamo, nous sommes. Et donc, nous sommes partis. S'il s'agit d'un groupe d'hommes ou d'hommes et de femmes mélangés. Siamo partiti. C'est ça, oui. Siamo partiti. Mais s'il s'agit d'un groupe de femmes qui disent « nous sommes partis », qu'est-ce qu'elles diraient en italien? Siamo partite. Siamo partite, tout à fait. Maintenant, essayez de dire « nous sommes allés le voir hier soir ». Là, nous parlons d'un groupe d'amis qui sont soit tous des hommes, soit des hommes et des femmes ensemble. Alors, nous sommes allés. Siamo andati. Oui, le voir hier soir. Siamo andati a vedere. Le voir. Ah, a vederlo. Oui. Siamo partiti. Si vous voulez, mais siamo partiti, c'est nous sommes partis, et non pas nous sommes allés. Andati. Voilà. Siamo andati a vederlo. Hier soir. Ieri sera. Bien. Siamo andati a vederlo ieri sera. Comment diriez-vous nous avons fini? Attendez, nous n'avons pas encore vu nous avons. Nous avons se dit abbiamo. Abbiamo. Abbiamo. Avec deux B qu'il faut prononcer bien distinctement. Abbiamo. D'accord. Abbiamo finiti. Non? Quand vous plongez dans le passé avec le verbe avere, généralement, le deuxième élément ne change pas. Il ne s'accorde pas. En français, c'est la même chose avec avoir. Nous avons fini avec un I à la fin et non pas IS. Oui, c'est vrai. Finito. C'est ça. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Nous avons fini. Mais si vous vouliez dire nous avons fini de le faire, qu'est-ce que ça donnerait? Abbiamo finito di farlo. Absolument. Abbiamo finito di farlo. Comment diriez-vous étudier, le verbe étudier? Essayez de deviner. Étudiare. Vous avez essayé de faire passer la balle par-dessus le filet. Et elle a touché le filet, mais ce n'est pas grave. Tout n'est pas perdu. Vous avez droit à un deuxième service. Pensez au mot studieux ou estudiantin. Estudiare. C'est presque ça. En fait, c'est studiare. Studiare. Maintenant, avec ce verbe, vous pouvez faire une phrase. Par exemple, nous avons fini d'étudier pour aujourd'hui. Abbiamo finito di studiare pour aujourd'hui. Per oggi. Voilà, oui. Abbiamo finito di studiare per oggi. Et toujours avec le verbe finir. Comment diriez-vous tout est fini? Tutto è finito. Tutto è finito. Oui. Au lieu de dire je pense, on peut dire aussi à mon avis, selon moi, qui se traduit par secondo me. Ce n'est pas secondo. Secondo me. Voilà, oui. Secondo me. Donc, au lieu de dire je pense, nous dirons secondo me. Secondo me, nous avons beaucoup appris. Apprendre se dit imparare. I-M-P-A-R-A-R-E. Pour vous le rappeler, aidez-vous du mot imparable. Dites-vous par exemple que vous avez trouvé un moyen imparable d'apprendre. Imparare. Secondo me, nous avons abbiamo imparato. Oui. Secondo me, abbiamo imparato beaucoup. Molto. Molto, oui. Abbiamo. Comment dites-vous ça déjà? À vous, s'il vous plaît. Reprenez depuis le début. Selon moi, nous avons beaucoup appris. Secondo me, abbiamo imparato molto. C'est ça. Secondo me, abbiamo imparato molto. En français, beaucoup se place entre le plongeoir et le verbe. Mais en italien, molto se place après le verbe. Abbiamo imparato molto. Comment dites-vous? Je vous attends. Attention, c'est un vrai vous ici, pas un à vous déguisé. Aspetto. Aspetto. La aspetto. La aspetto. Je vous attends. Et maintenant, comment dites-vous arriver? Arriver. Arrivare. Attention aux deux R de arrivare. Il faut qu'on les entende bien. Arrivare. Arrivare. C'est ça. Arrivare. C'est un verbe qui décrit un mouvement. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que pour plonger dans le passé, il faut utiliser quel plongeoir? Être. Être. Essere. Absolument. Alors, comment dites-vous je suis arrivé, si c'est un homme qui parle? Sono arrivate. Quand vous plongez dans le passé, vous plongez soit dans ato, soit dans uto, soit dans ito, selon que vous avez un verbe en are, en ere ou en ire. Mais c'est toujours un O à la fin si vous êtes un homme, ça ne change pas. Ah, sono arrivato. Sono arrivato, voilà. Arrivate, c'est le féminin pluriel. Sono arrivate, elles sont arrivées. Oui, ouais. Parce que sono signifie non seulement je suis, mais aussi ils sont ou elles sont, ce qui peut prêter à confusion. Si vous dites « sono arrivate », on vous comprendra, mais on vous comprendra mal. Alors, reprenons la même phrase. Je suis arrivée, mais cette fois, c'est une femme qui parle. Sono arrivata. Attention à l'accentuation. Vous prononcez à la française, en insistant sur la fin. Alors, qu'en italien Sono arrivata. Bien. Sono arrivata.